بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. هذه كومنتي بار أبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب، بفضل الله من اليوم سندخل في باب نواقض الوضوء. Regardons le chapitre des annulatifs de l'eau. Quelles sont les choses qui nous sortent de l'état de purification? نعم. فقال في الحديث الثالث وستين رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وصله في مسلم. Donc il dit selon Anas ibn Malik que les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à son époque attendaient la salat du Isha à tel point que leur tête tombait de somnolence. Puis ils faisaient la salat sans faire l'oudo. Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Edda al-Qutni. Et son origine à la base est dans Muslim. Donc il dit أولا نواقض الوضوء c'est quoi le تعريف la définition en arabe اصطلاحا هي علل تؤثر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه. C'est dit c'est une cause qui influe sur l'annulation de l'eau d'eau dans ce qu'il apporte, c'est-à-dire qu'il le rend pur. On dirait comme ça, c'est un peu bancal à la fois, mais c'est une cause, une chose, en fait, qui supprime l'eau d'eau. طيب. Il dit المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. مسألة هل النوم ناقض من نواقض الوضوء؟ Est-ce que le sommeil est un annulatif parmi les annulatifs de l'eau? Il dit que il y a eu une divergence sur 8 mazahib, 8 avis que Nawawi a cité dans son charh de Muslim. Donc l'awwal, premier avis, que le sommeil n'annule pas l'eau d'eau dans l'absolu. Et parmi ceux qui ont vu cet avis, il y a Abu Moussa al-Ash'ari et d'autres, et Shu'ba également. Et que la parole d'Abu Moussa est thabita, son avis est thabit, rapporté dans le Moussannaf de Nabi Shayba. Et c'est quoi leur dalil? C'est ce hadith qui est dans la version de Muslim. Yanaimun, thumma yusallun, wa la tawadda'un. Qui dormait après qu'il ait salat, il ne faisait pas l'eau d'eau. Ça, c'est la première parole. Que le sommeil n'annule pas l'eau d'eau. Deuxième. C'est le contraire. Que le sommeil annule l'eau d'eau dans l'absolu. Il cite à plusieurs savants, parmi eux Al-Hassan al-Basri et également Al-Shafi'i, une parole, on va dire, dans l'une des paroles des Shafi'i et d'autres. Et Ibn Munzir, il dit que c'est une parole qui était rapportée dans ce sens-là, sur l'Ibn Abbas et de Anas et de Abu Huraira. Shir, au début, il avait dit que c'est les trois athars de ces trois sahaba, il n'y avait rien d'authentique, mais en fait, après vérification, il a vu qu'en fait le athar de Anas, il est sahih, et que celui d'Abu Huraira, il est authentique, mais il n'est pas clair. Car il a apporté une autre parole où il dit, Abu Huraira, Inna al-wudu'a ala man ittaja'a, que que l'eau est pour celui qui s'est allongé. Par contre, celui de Ibn Abbas, il semblerait qu'il soit faible. Il ne les a pas cités. Et c'est quoi leur preuve à ce qu'ils voient cela? C'est le hadith de Safwan ibn Assal sur le Nirel. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاث أيام ليالتهن إلا من جنابة ولكن من بول ومن غائط وبول والنوم. Dit que le prophète صلى الله عليه وسلم nous ordonnait de ne pas enlever nos khufs, hormis pour, il n'enlève que pour la janaba et pas pour les excréments, pas pour l'urine et ni pour le sommeil. Donc pour le sommeil, il annule dans l'absolu. C'est ça leur hujja. Après, troisième qaul, que le sommeil en grande quantité annule l'eau d'eau en toute situation, contrairement au sommeil en peu de quantité. Ça, c'est le mazhab de Zuhri, de l'Auza'i, de Malik et de Ahmed, dans l'une de ces deux versions. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu lier entre les deux qawls, le premier et le deuxième. Entre ceux qui disent que le sommeil n'annule pas et ceux qui disent que le sommeil l'annule. Troisième kalem, troisième avis, que celui qui dort par exemple, comme celui qui dort sous l'apparence de celui qui fait la salat, celui qui est incliné, celui qui est prosterné, celui qui est debout, celui qui est assis, cela n'annule pas son oiseau. Et que cela qu'il soit en salat ou pas. Par contre, s'il dort allongé, sur le côté ou sur le dos, là, ça annule son oiseau. Ça, c'est le mazhab d'Abu Hanifa et d'Abu Daoud. Bon, allez, écoute ça. C'était l'une des paroles également extravagantes de El Shafi'i. Et ils ont pris comme preuve le hadith qui va venir, innamal wudu ala man nama muttaji'an, que l'wudu n'est que pour celui qui a dormi en étant allongé. Le hadith est da'if, il va venir inchallah. Cinquième parole, qui n'annule pas l'wudu hormis celui qui n'annule pas l'eau, or par le sommeil de celui qui est incliné ou celui qui est prosterné. Mais dormir en étant incliné, je vois pas comment tu fais. Je n'arrive pas à comprendre comment tu fais. Tu vas tomber. Celui qui en soujoud encore, ouais, non, tu peux t'endormir en soujoud. C'est même déjà arrivé à des matchs, tu le sais, pendant ta raouir. Quand il y a eu la nouvelle boquette. En tout cas, incliné, je vois pas comment tu peux dormir incliné. Tu vas tomber. Déjà, sans être endormi, le recours, quand t'as pas un sens d'équilibre, tu penches, tu tubes. T'en as assez, ils partent en avant et tout, faut les retenir. Si tu dors, qu'est-ce qui va se passer? Si tu t'inclines et que tu t'endors, tu vas tomber comme une pierre. Automatiquement, la tête en avant. Et la chute va te réveiller. Normalement. Donc, j'arrive pas à concevoir comment tu peux t'endormir en étant en inclinaison. Que tu aies un coup de somnolence, c'est possible, mais un sommeil, ce qu'on appelle un sommeil, non, en inclinaison, je vois pas, j'arrive pas à concevoir. J'ai jamais vu et j'arrive pas à concevoir comment cela pourrait arriver. Là, la colline, c'est un call. Sixième call, qui n'annule que le sommeil de celui qui est sa'ajid, en prosternation. Et c'est également une des paroles de Ahmed. Sa'abir, septième call, qui n'annule pas le dos dans la salate. Par contre, il annule en dehors de la salate. C'est-à-dire, ceux qui sont dehors pendant la salate, cela n'annule pas son wudu. Quelle que soit sa situation, qu'il soit raki', sajid, même qa'im, dans toutes les positions de la salate, ça n'annule pas son wudu. Par contre, s'il s'endort en dehors de la salate, ça annule son wudu. Donc, c'est quoi le qawl rajih? C'est le deuxième, c'est que le sommeil est un naqid de wudu. Le sommeil est un naqid de wudu. Maintenant, il faut citer une chose importante qu'il a rapportée de l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, dans son livre Tamam al-Minnah. Il a rapporté une parole de Khattabi dans Gharib al-Hadith. Il dit que le sommeil réel, c'est celui qui t'emporte de la réalité et qui emporte le cœur avec. Donc tout ce qui se passe comme chose apparente contre le toit, tout ça, tu ne le sens pas. D'accord ? Tout ce qui se passe autour de toi, tu ne réalises pas ce qui se passe autour de toi. Ça, c'est le sommeil. Après, il y a la somnolence. Ça, c'est celui qui est léger. Quand tu somnoles. Le sommeil, c'est le sommeil. Même le sommeil, il a des stades. Le sommeil lourd, tu vois. Et tu as la somnolence. C'est ça, justement, comme dans le hadith qui est venu, il est courbé de la tête. C'est-à-dire, tu pars en sommeil, mais ce qui se passe autour de toi, tu arrives à cerner ce qui se passe autour de toi. Si quelqu'un parle, tu vas réagir. Tu comprends? Tu vas réagir. Donc, bien différencier entre les deux. Et celui qui annule l'odo, c'est le faqil. C'est le sommeil lourd. Quand je dis lourd, c'est le sommeil, pas somnolence. Même un sommeil léger, du moment où tu t'es endormi, et ce qui est autour de toi, ça y est, bon, t'as oublié, tu sais plus ce qui s'est passé, ça annule l'odo. Même ça a duré une minute. À partir du moment où t'es parti, tu t'es endormi. D'accord? Alors, t'as pas comment. Genre, cette minute, tu sais pas ce qui s'est passé, ça annule l'odo. Dans la somnolence, c'est tu peux partir dans un état, mais t'entends les voix. Tu ressens les choses. T'es pas vraiment là, mais tu ressens les choses. Et Chir avait rapporté une histoire d'un alim, je ne sais plus c'est qui. Je ne sais pas si c'est pas Shaukani ou je ne sais plus qui c'est qui avait rapporté une histoire. Qu'un homme voyait que le fait de dormir assis n'annulait pas l'odo. Donc un jour il était à côté d'un homme qui s'est, pendant un jumu'ah, je crois que ça s'est à côté de lui. Cet homme s'est endormi. D'accord. Durant son sommeil, cet homme a eu des gaz. Vous voyez, il a eu des gaz qui sont sortis. Après l'autre, il l'a réveillé, il lui a dit « Hé, va faire de l'odo. » D'accord, va faire de l'odo parce que tu as perdu l'odo. Il dit « Non, je n'ai pas perdu l'odo. » Il dit « Si, tu as perdu l'odo. » Tu as eu des gaz. Il dit « Non, c'est toi qui as eu des gaz. » Donc il a dit « Depuis ce jour-là, j'ai compris que le sommeil, c'est de l'odo. » Parce que j'ai vu comment il a réagi, il sait pas ce qui s'est passé, il a perdu le dos, il s'est même pas rendu compte. Allez. Et après, il a changé d'avis. Que même assis ou quoi, quand t'es parti, tu sais pas ce qui se passe, le dos l'a annulé. Tamam? J'ai vu c'était qui le Alim. Chez elle avait raconté l'histoire, j'ai oublié c'était quoi. Que cette histoire-là, il a changé d'avis. Naam. Tayyib. Après, il dit. Mas'alatun, al-junun ou al-irma, la démence ou l'évanouissement, quand tu deviens fou. Et l'évanouissement. Après, Nawawi dit, dans son char de muslim, que les savants sont unanimes sur le fait que la perte de la raison, par la folie, la démence, par l'évanouissement, par l'ivresse, et ainsi de suite, cela annule l'odo. Que cela soit grand ou petit. est rapporté par des Mounzir qui dit qu'il est obligatoire pour celui qui a perdu la raison par de la folie ou par l'évanouissement, tamam, qu'il refasse le wudu. S'il y a besoin, bien sûr. Hein. Par exemple, si la est venue, il a perdu la raison juste avant. Par exemple, il a bu, il a été ivre, même si c'est un petit peu, il a fait le wudu. Ou il a eu un évanouissement, la salade, il tombe dans les pommes, il avait un truc. Quand il reprend ses esprits, il fait l'eau s'il a salat. Car le shir, Hafizallahu Ta'ala, car dit, si jamais le sommeil te fait refaire l'eau, ben l'évanouissement ou la perte de la raison a plus forte raison. Parce que c'est pire encore que dormir. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il fait rapporter dans sa maladie avant de mourir, qu'il s'évanouissait, et à chaque fois qu'il se réanimé, il faisait un roussel. Et le roussel était mustahab, pas wajib. Par contre, pour la salade, il fallait refaire l'eau. Et ça va venir, Inch'Allah, dans le même du roussel, le côté recommandé pour celui qui s'évanouit et non pas obligatoire. Car en fait, l'évanouissement, c'est un enquête de l'eau. Ça donne l'eau. Et l'eau, comment il se récupère? Tu le récupères par l'eau et pas par le roussel. Donc celui qui fait un rousse, s'il met une niya, il fait l'odo avec. Donc là, le khulasa, c'est que le sommeil est parmi les annulatifs de l'odo. Et quel sommeil? Le sommeil, pas la somnolence. Le sommeil profond. Le vrai sommeil. Que tu sois assis ou couché, pour le moment où le sommeil t'a pris un vrai sommeil, ça annule ton odo si tu as l'odo. Même tu es assis. Même tu es contre un mur. T'appuyer par exemple, je sais pas, on imagine, tu vois, un cas extrême. Voilà. Ah, bah par contre, s'endormir en étant en recours, j'arrive pas à voir comment ça arrive. À la colline, n'actafi bi hada al-yawm. Et demain, ce sera, Inch'Allah, sur les pertes de sang de la femme, le haïd. Les menstrues, sans des menstrues. Voilà. Wa ilahuna walhamdulillahi rabbil alamin.